Nous pénétrâmes en silence chez Gabriel Ardalionitch. Dans le salon, nous trouvâmes Nina Alexandrovna, la mère de Gabriel Ardalionitch, et Varvara Ardalionovna, sa sœur. Elle conversait avec un invité. Gabriel Ardalionitch salua sa mère sèchement et ne salua point sa sœur. M'ayant présenté à elle, il abandonna aussitôt le salon. Nina Alexandrovna appela Kolia, le jeune frère de Gabriel Ardalionitch, et lui ordonna de me conduire dans ma chambre. Lorsque nous y fûmes, Kolia, un garçon au visage agréable et qui me parut d'un naturel confiant, me questionna. « Mais où sont vos bagages, prince ?»« J'ai un baluchon. Je l'ai laissé dans le vestibule. »« Je vous l'apporterai tout de suite. » Nous n'avons comme domestique que Matryona et la cuisinière, de sorte que j'aide aussi. D'ailleurs, notre appartement est trop petit pour que nous louions des chambres, mais nous en louons quand même. Gania, je veux dire Gabriel Ardalionitch, a dit que vous veniez de rentrer de Suisse. Est-ce vrai? Tout à fait, Kolia. Il y a beaucoup de montagnes là-bas, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Voilà ma sœur Varvara. Je vais chercher votre baluchon. Vous avez une valise? Non. Je vous intimide peut-être. Nullement. Êtes-vous toujours aussi peu loquace? Il y a des jours, Varvara Ardalionovna, où je suis incapable de communiquer avec le monde extérieur. Oui, cela m'est venu à la suite de ma maladie. Quelle maladie? Une sorte d'épilepsie. Vous avez encore des crises, prince? Ce serait fâcheux. Nous avons d'autres locataires et le spectacle qu'offre un homme en proie aux convulsions n'est pas plaisant. En effet, mais je n'ai plus de crise. Alors c'est bien. On dîne à 4h30. Vous pourrez prendre votre repas avec nous ou dans votre chambre. Varvara m'examina une dernière fois des pieds à la tête, soupira et s'en alla. Visiblement, je n'avais pas trouvé grâce à ses yeux. À peine avait-elle refermé la porte derrière elle que Gabriel Ardalionitch parut à son tour. Deux mots, prince. Tâchez de ne pas trop bavarder ici de ce qui se passe chez les Yepanchin. Et chez les Yepanchin, soyez muet sur ce qui se passe ici. C'est entendu, Gabriel Ardalionitch. Je me tairai. Je vous fais confiance. Oh, quelle triste chambre on vous a attribuée là. Enfin, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui loue les chambres. Gania, es-tu ici? Viens, j'ai à te parler. Gabriel Ardalionitch partit. La porte s'ouvrit de nouveau et un homme d'une trentaine d'années pénétra dans ma chambre. Ses vêtements étaient malpropres. Je suis Ferdistchenko, un des trois locataires de cette honorable maison. Je dis trois et non quatre parce que j'ignore à quel titre vous venez habiter ici. Avez-vous de l'argent, prince? Pas beaucoup. Combien? 25 roubles. C'est bien. Je suis venu vous dire qu'il ne faut pas me prêter de l'argent, car je ne manquerai pas de vous en demander. Je ne vous le rendrai jamais. Très bien, monsieur Ferdistchenko. Je ne vous prêterai donc pas d'argent. Merci, prince. Avez-vous l'intention de payer votre loyer? Je pense le faire, oui. Eh bien, moi, je ne le paie que contraint et forcé. Et le plus tard possible. Je loge à côté, première porte à droite. Tâchez de ne pas venir trop souvent chez moi. Mais soyez tranquille, je viendrai chez vous. J'en serai honoré. Peut-on vivre avec un nom comme le mien? Ferdistchenko. Mais pourquoi pas? J'ai connu un homme qui s'appelait Dobroko Lokolnichestvo. En effet, c'est encore pire. Adieu, prince. Connaissez-vous le général Volgin? Non. Alors vous le connaîtrez. Il essaie lui aussi d'emprunter de l'argent, même à moi qui n'en ai jamais. Quel pince sans rire, n'est-ce pas? Mais adieu, prince. Et ne m'en veuillez pas pour cette visite. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Voici le général Ivolgin, maître de séance. Prenez garde à votre billet de 25 roubles, cachez-le vite. Autrement, il s'envolera de votre poche comme un oiseau et ira faire son nid dans la poche du général. Le général Ivolgin me dépassait d'une tête. Il avait une figure rouge brique. Une moustache et deux favoris se hérissaient sur sa bouche et ses joues affaissées. Son linge était sale, sa jaquette râpée. Il s'approcha de moi sans se hâter, l'air affable. Il me prit la main et, la gardant un long moment, me contempla comme s'il cherchait à découvrir sur mon visage quelque trait familier. « Mon Dieu, c'est lui! Oui, c'est bien lui! J'ai entendu un nom qui m'est cher et je me suis rappelé le passé, un passé inoubliable. prince Mishkin, n'est-ce pas? Oui. Et moi, je suis le général Ivolgin, un général retraité malheureux. Jadis, l'ami intime de votre père, Nicolas Lvovitch, je vous ai porté dans mes bras, prince. Est-ce possible? Il y a 20 ans que mon père est mort. Oui, 20 ans et 3 mois. Nous avions fait nos études ensemble, et nous sommes entrés dans l'armée ensemble. Mon père était sous-lieutenant au régiment Vassilievski. Bielomirski, prince. Il a été muté au régiment Bielomirski la veille ou l'avant-veille de son décès. Et j'étais là. Je l'ai béni avant qu'il ne meure. Votre mère, prince. Elle est morte, elle aussi, d'un refroidissement. 6 mois après. Non, pas de refroidissement, croyez-moi. J'étais là et je l'ai enterrée. Elle est morte du chagrin causé par le décès de votre père. Je me souviens de la princesse. Oh, combien je me souviens d'elle. Nous avons failli, avec le prince, votre père, nous entretuer à cause d'elle. Vraiment, général? D'après ce que j'ai entendu dire, ma mère était une femme très effacée. Des calomnies, prince. Votre mère était une femme d'une grande beauté et pleine de séduction. Vous devez confondre ma mère avec une autre personne, général. Ma mère était... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Jean Mercury, Ferdichenko, Roger Monteau, le général Ivolgin, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna. Musique d'Edgar Cosma, production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau, et le concours de la troupe dramatique régionale.